mi corazón. Pero dije bien clarito. Noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Gémozo dans un nouveau numéro de 90 minutes pour Boomerang. Alors avec nous aujourd'hui en studio, les amis habituels, Félicie au rendez-vous. Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices et bonjour à toi Jean-Baptiste et à Magali et Harald. Alors on pense évidemment à Magali et Harald, on pense bien à eux à travers les ondes. Et puis on continue le tour de table avec Dominique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut à toi, comment vas-tu ? Ça va, un peu enrhumé. Voilà, avec le soleil quand même, ça fait du bien. Et puis du côté homme, Segundino, présent aussi. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Bonjour à toi Jean-Baptiste, ça va, ça va. Son petit bonhomme de chemin. Ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis à la technique, l'ami Pascal. Oui, ça veut dire bonjour. Et puis à l'animation, Jean-Baptiste. Qui est revenu. Ça nous fait plaisir de te voir Pascal. Aujourd'hui. Bien, alors un beau programme aujourd'hui les amis à vous présenter, à vous proposer dans ce Boomerang, 1h30 ensemble. On va commencer, allez, on continue toujours avec Félicie qui démarre cette émission, ça comme d'habitude. Toujours sur moi. Voilà. il faudrait qu'on ait des nouvelles recrues dans l'émission aussi, qui puissent apporter aussi leurs compétences, leurs talents, leurs opinions et enorgueillir cette émission qui perdure quand même dans le temps sur nos ondes. Hein. C'est vrai. Alors Félicie, tu vas nous parler, alors on va aborder un groupe qui s'appelle U2. Voilà. On va demander à Dominique, qui est une fan absolue de ce groupe-là. Oui, l'histoire en rapide, bien sûr, en accéléré, l'histoire de ce groupe et leurs principales étapes musicales. Et puis Félicie, tu vas plus nous parler de leur engagement pour Amnesty International, parce qu'ils sont directement liés à cette cause-là. Entre autres Bono, qui est l'un des principaux membres de ce groupe-là. Oui. Mais avant tout, on va juste écouter Dominique. Ce que je vous explique que j'avais dit aux auditeurs la dernière fois que je ferais un truc sur YouTube. Donc que je ferais une exploration du livre et d'autre part j'avais dit Jean-Baptiste que j'avais dit aux auditeurs que je faisais un historique. Que je parlerais du livre que j'ai lu sur YouTube récemment. Tu nous en avais parlé il y a 15 jours, effectivement. Donc ça, je le ferai dans 15 jours. Mais aujourd'hui, comme tu disais, je vais vous parler d'Amnesty International parce que c'est la période aussi où ils sont dans les rues pour faire signer des pétitions. Mais enfin, je vais laisser la parole à l'homme. Juste en introduction, nous rappeler l'histoire du groupe, Dominique. C'est un groupe qui s'est formé avec des camarades de lycée. Dublin. À Dublin, en Irlande, oui. Et puis, ils n'étaient pas trop sûrs de leur musique au départ. C'était un peu pas assez professionnel, mais vite, ils ont été au devant de la scène et puis ils sont devenus internationaux. Avec le premier album War, je crois. Boy. C'est le même gamin qui est sur l'album War. War. Ah, ok. Attention, on a affaire à une pro, là, en studio. Moi aussi. Ils ont rapidement trouvé un style bien à eux. Les influences de Bono, c'était le punk aussi, qui sévissait à cette époque-là. Et puis, il était fan de Space Oddity de Bowie. Mais on ne peut pas dire que U2, ça ressemble à du Bowie. Quelle époque, à peu près, tu situes la construction du groupe, la naissance fin des années 70. Donc, au moment de peut-être l'explosion du punk. Oui. Autour des années 75, par là. Oui. Et moi, j'ai plus tous les noms des membres en tête, mais on connaît Bono. Oui. Et pourquoi s'appelait-il Bono? Parce qu'ils avaient vu une pub d'un appareil... auditif qui s'appelait Bonovox. Ils ont trouvé ce nom original et c'est rétréci en Bono. C'est une anecdote intéressante. Mmh. C'est bien. Il y a Larry, Adam, Viege. Ils ont Viege. Viege, c'est un surnom, ça veut dire. Ah oui, le pont ou le. Je ne sais plus. J'ai plus la traduction, mais Viege, c'est son surnom. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Tu as tous les albums, tu nous disais l'autre fois. Non, c'était une plaisanterie. Je disais, j'ai Toutou, Youtou. Ah oui, Toutou, Youtou. Certains albums. Oui, j'ai écouté à une époque l'album des années 85. J'ai des trous de mémoire. C'est pas War ? Non, il y a eu Boy, c'était War. Et puis... Ça te reviendra peut-être dans le cours de l'émission. Je suis un peu pris au dépourvu. En tout cas, merci Dominique de nous avoir situé un petit peu la naissance de ce groupe. Et chacun des membres avait des influences différentes au niveau musical. Ce qui a fait leur force aussi. Ouais. Et au début, ils galéraient un peu, je crois, parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans le groupe. Enfin, ils avaient... Non, je ne sais pas, Dominique. Oui, il y a eu des remaniements. Il y a eu des remaniements. Puis finalement, ils ont quand même réussi à trouver un terrain d'entente parce que c'est... Ils ont eu un manager qui s'est bien occupé. Oui, c'est Brian Eno. Oui. Mmh. Ouais. Alors, Félicie, justement, par rapport à ce groupe-là, comme tous ces groupes qui sont vraiment sur le devant de la scène internationale depuis un certain nombre de décennies, ils sont liés à des causes qui peuvent être nationales, voire internationales, comme Amnesty International en ce qui concerne U2. Tu voudrais nous parler de ça plus précisément dans ta chronique aujourd'hui. En fait, Bono s'est un peu arrêté de faire de la musique pour... servir au plus près Amnesty International. Je crois qu'il a trouvé la bonne cause parce que, en fait, à l'heure qu'il est, on est tous frappés par les dons, hein, donner ceci, donner cela. Bono, il s'est engagé dans cette cause parce qu'elle était non lucrative, c'est-à-dire que lui, comme il a chanté des chansons qui chantaient la paix, qui chantait l'amour. Ouais. Il se retrouve complètement dans son rôle de parrain. Et bon, c'est vrai qu'il a pris quelques années sabbatiques pour se consacrer à Amnesty International. Alors, c'est vrai que, oui, je le dis, en ce moment, on se fait taper de partout. C'est l'époque des dons donnés pour ci, donnés pour ça. Il faut savoir qu'Amnesty International... est une association... Il nous met de la musique pendant ma chronique. Bon. Allez, continue. Donc, alors voilà, t'es bien parti. Je vais vous parler d'Amnesty International pour vous expliquer qu'il faut signer, parce qu'on doit signer, mais on ne donne pas d'argent. Alors, Amnesty International, ou Amnesty International, est une ONGNI, qui se donne comme mission la défense des droits de l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais. Alors ça, c'est tout Bono, quoi. C'est tout ce qu'il chante dans ses chansons. Il n'est pas tout seul. Il est dans le groupe. Il a d'autres groupes qui sont derrière lui, oui. Comme Sting ou de Police. Eh ben non, c'est Sting. Hein. Oui. Oui. Oui, il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres. Hein, oui. Je ne sais pas te dire tous, mais je sais qu'il y en a d'autres. Ouais. Je vais regarder... une fois, quelqu'un parlait de ça. Tout à l'heure, on va écouter une chanson qui montre la rage de vaincre. Le fondateur d'Amnesty, c'est Peter Bensinsen. Ça a été créé en juillet 61. Donc ça fait un moment quand même. Hein, à Londres. Le siège social se trouve à Londres. La responsable, c'est Kumi Naidin. Alors sur Internet ou dans la rue... signer les pétitions. Donc on ne paie pas. Il faut savoir que c'est pas, on n'est pas obligé de payer. Sur Internet, vous verrez concerner la Tchétchénie, la justice pour les femmes victimes de l'armée, la liberté pour les artistes, les journalistes qui se battent pour cette liberté, justement, qui sont emprisonnés. L'évitement de la peine de mort ou de la prison, Il y a 3 femmes à libérer pour les défenseurs des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Alors je vous explique comment ils fonctionnent, Amnesty International. Ils ne fonctionnent pas sur de l'argent, ils fonctionnent sur les signatures. Et ils fonctionnent sur les ambassades. Mmh. C'est-à-dire qu'ils amènent des signatures aux ambassades, et les ambassades se font ensuite la mission de libérer les auteurs, ceux qui écrivent des livres, qui font de la musique, des journalistes, qui ont été emprisonnés. Ils montrent leur soutien à l'étranger de, voilà. Du people de étranger. Oui, de la liberté des droits de l'homme dans le monde. Donc stop à la destruction et à la vente des réfugiés et les immigrants de Libye, c'est quand même grave. On se voit qu'il se passe des choses graves. Quand il s'agit des droits de... Alors ça, c'est leur devise. Quand il s'agit des droits humains, chaque combat est une victoire. Donc ils agissent contre la peine de mort, je l'ai dit, contre la torture, pour la liberté d'expression, pour les réfugiés et migrants, pour le contrôle des armes aussi. Ils se mettent dans tout ça. Pour les conflits armés et les populations, ils sont mobilisés. Aussi pour les droits sexuels et reproductifs. Ça, on pourrait en parler pendant des heures aussi. On pourrait faire une émission. Alors, pourrais-tu nous préciser les droits sexuels reproductifs? Les femmes dont, dans les printemps arabes, pour desquelles on coupe le clitoris. Je veux dire, c'est, d'accord. C'est complètement... L'excision, pardon. Enfin, tout ce qui tourne à ce genre de choses... on a vu aussi, je regarde un famille d'accueil, en Turquie, les femmes qui sont mariées avec des jeunes filles qui ont 16 ans, qui sont mariées avec des gars qui ont 20 de plus qu'elles, des hommes qui ont 20 ans de plus qu'elles, qui sont vierges, qui connaissent rien de la vie, et qui ont envie de rester en France pour faire des études. Je veux dire, Amnesty, ils se battent contre tout ça. Alors, justement, leur devise, c'est on a la rage de vaincre. Ils se battent aussi contre les discriminations, et surtout contre la justice internationale et impunie. C'est-à-dire qu'ils se battent aussi contre, dans les pays évolués... Contre les corrompus. Séverino, voilà. Tu voulais dire quelque chose ? Contre la déforestation aussi, beaucoup. Oui, la déforestation. Il y avait Michael Jackson qui était à côté d'eux pour ça aussi. Enfin, qui les suivait dans leur parcours. Ouais. Alors oui, c'est vrai que vous trouverez tout sur Internet. Hein, Donc on voit dans ce que tu énumères qu'ils couvrent des causes absolument variées, humanitaires, effectivement, et très variées, qui n'ont finalement pas à voir les unes avec les autres, mais qui concernent l'humain et le monde. Ça se concerne quand même les uns les autres, parce qu'il y a des lois au niveau maintenant des droits de l'homme, il y a des lois. Non, mais entre la déforestation, par exemple, et l'excision, il n'y a pas vraiment un rapport direct. Non. Mais on touche quand même toujours pareil à des causes sensibles. Exactement. Alors, Pascal. Oui, je vais vous dire en fait ce que c'est que la vérité sur les droits sexuels reproductifs. Sur cet exemple-là. Les droits sexuels et reproductifs permettent à chacun de prendre des décisions personnelles sur sa santé, son corps, sa vie sexuelle, son identité sexuelle, sans crainte d'être contraint ou traduit en justice. Oui, parce que c'est ça un petit peu qui me turlupinait tout à l'heure dans ce que tu disais dans ton exemple. Oui. Parce que tu parlais de reproduction justement. Donc là, effectivement, Pascal là, ça me semble plus logique. Oui. Merci, Gary. Voilà. Mais après, peut-être que l'excision a été une des causes aussi traitées par Amnesty International. Je pense aussi. Si, c'est traité par Amnesty International. Voilà, le problème, il est surtout au niveau des mariages qui sont prévu par la famille. Il est surtout là le problème. Oui. C'est pas l'excision. Parce que l'excision n'est plus dans une histoire de coutume, de tradition un peu, on va dire, je veux pas dire barbare parce que je vais me faire incendier en disant ça, parce qu'il faut respecter les traditions et les coutumes. Mais enfin là, on est quand même dans une mutilation. C'est vrai, nous, occidentaux, peut-on nous permettre, nous permettre d'apporter un jugement ou un regard accusateur sur ces traditions-là, parce que nous, on n'a pas le même regard sur la liberté du corps, en France, en l'occurrence, puisqu'on est en France. Mais en même temps, est-ce qu'il faut effectivement généraliser notre vision occidentale à toute contrée Oui, parce qu'ils ont leur tradition, effectivement. Pour moi, personnellement, je trouve ça épouvantable. C'est une tradition barbare, c'est clair. C'est barbare. Pour moi, c'est barbare. Et tu disais quoi, Pascal, alors, sur le... le mariage, les mariages qui sont prévus par les parents, par exemple. Les mariages arrangés. Les mariages arrangés, voilà, ça c'est le Amnesty International se bat contre ça. Contre les mariages qui sont des enfants, par exemple, aussi, contre... Il n'y a pas... Il y a pas tous en même temps. Segundino voulait prendre la parole. Il y a des enfants qui, à la naissance, sont déjà promis à une... Et ça, c'est au Maghreb. Hein, c'est vrai, ouais. Au Maghreb. Ils sont déjà promis à ça, un ça mariage me choque, ça me avec la fille de tel... Mais déjà enfant, déjà dès l'enfance. Donc, il n'y a aucun droit à, finalement, au désir, à l'amour spontané, à l'attirance vers l'autre. C'est déjà tout préprogrammé, façon, que tu aimes ou pas la personne. De toute façon, il y a des cas en France où c'est quand même comme ça aussi. On ne peut pas le nier. Oh, non. Ah, ben, moi, je vous promets que j'en ai vu. C'est interdit par la loi française. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est la loi. Dans le temps, mais plus... Enfin, Amnesty National se sert des lois pour faire libérer des prisonniers politiques... ou artistiques, des écrivains, enfin, ils se battent pour la liberté d'expression et tout ce que je vous ai dit là. Ils perdent pas leur tête. Et ils ont un rôle prépondérant sur la scène géopolitique aussi internationale. Hein. Oui, en fait, vous trouverez tout sur Internet et je vous conseille de signer parce qu'on ne donne pas d'argent. C'est juste un point de vue. C'est faire pression sur les ambassades avec nos signatures. D'accord. Alors, pour en revenir à l'objet de ta chronique, avec le lien avec le groupe U2, qu'est-ce qu'il est... Tu expliquais tout à l'heure succinctement par rapport à Bono, par rapport à lui, sa philosophie, ce qu'il draine dans sa musique, enfin, en tout cas, ce qu'il veut faire passer comme message dans sa musique au départ. Ça correspond tout à fait à Amnesty International. Donc, tu disais que, justement... pas que, mais tu disais que, justement, c'était tout naturel qu'il se soit rapproché de cette organisation, si on peut l'appeler comme ça. Sur l'histoire de leur carrière, quel impact il y a eu moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de savoir. Quel impact a eu Amnesty International? Est-ce qu'il y a eu des albums, des titres musicaux qui ont été vraiment inspirés de des causes qu'ils ont défendues? Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le parallèle aussi. C'est New Year's Day, hein, c'est ça, Dominique. Quand ils chantent le... Tu peux nous éclairer, hein, Dominique, aussi. Oui. Ben, au départ, c'était ils prônaient la paix et puis l'entente entre les peuples, notamment les Irlandais catholiques et les Irlandais protestants. Je sais pas, il a fait un peu un cheval de bataille des causes humanitaires pour faire entendre la voix des plus faibles. Et tu sais, lui, sur quoi il est le plus sensible dans les causes que traite Amnesty International? Non. Non. Mais est-ce qu'il en a inspiré sa musique et les textes de ses chansons? C'est un peu religieux. Sur des albums bien précis. Il a quand même une culture catholique, Bono. Donc, ça se transmet comme ça. Quoi. Félicie? D'ailleurs, il l'a bien incarné, cette préoccupation religieuse. Et il a essayé d'incarner le mal dans le monde, comme ce qui se passe contre quoi lutte Amnesty International. Dans son concert, c'était Joshua. Non, c'était pas Joshua, c'était Pascal. Même récemment, en fait, là, je vois qu'ils ont fait un concert le 31 juillet 2017 où ils ont invité Amnesty International à venir avant leur concert. Là, ça illustre vraiment ce que tu expliques. Un peu ici. Mais dans une de leurs chansons, qui est New Year's Day, où je crois, il parle de la journée sanglante. Bloody Sunday. Bloody Sunday, Bloody Sunday. Voilà. Et donc, il dénonce vraiment la journée sanglante qu'il y a eu à Dublin entre les catholiques et les... Enfin, entre les protestants et l'Angleterre catholique. Les enfants. Et il s'est d'autant plus moqué du mal... que sur une tournée que je suis allée voir, d'ailleurs j'y vais en concert, je sais plus comment, Zouropa Tour, il se déguise en diable. Donc, il se moque de cette personne, il se moque du diable. Mais il y a toujours eu cette guerre entre les catholiques et les protestants, elle ne date pas de cette époque-là, depuis la Saint-Barthélemy. L'Écosse a réussi à avoir son indépendance beaucoup trop tôt, pas trop tôt, non c'est plutôt, c'était Braveheart. Je crois que les protestants n'ont pas Braveheart, qui retrace le film. Le Braveheart. Le film Braveheart. Qui retrace. Oui, Braveheart. Ah oui, c'est avec Mel Gibson. La révolte du. C'est Mel Gibson hein, qui jouait dans ce film-là. Oui, Sophie Marceau. Voilà, donc, et Sophie Marceau, ouais. Exactement. Donc l'Écosse a eu son indépendance beaucoup plus tôt, mais l'Irlande, ils ont du mal. Hein. C'est, Non, mais je voulais juste dire que c'est vrai que les protestants n'ont pas cette reconnaissance des saints. S-A-I-N-T, qu'ont les catholiques, déjà. D'accord. Il y a déjà cette grosse différence quand tu rentres dans une église. Parce que tu vois les villages, par exemple, surtout en Alsace, les villages alsaciens ont deux églises, souvent. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, sur la route des vins, entre autres. Tu vois, il y a deux clochers, pourquoi, ou même Münster, parce qu'il y a l'église catholique et l'église protestante. D'accord. Qui datent encore, évidemment, les constructions n'ont pas été rasées. Il y a toujours. Ouais. Et à Strasbourg, il y a une église, je crois que c'est Saint-Thomas, mais je ne suis pas sûr, qui, dans la même nef, tu as les deux. Tu as une partie de la nef qui est catholique, et ainsi, tu as un fronton sculpté. Où tu as la partie protestante qui sépare. Et c'est, ils ont chacun leur autel, et c'est dans la même église. Mais souvent, tu as deux églises distinctes. Et c'est vrai que dans une église protestante, tu n'as pas de statut de saint. Oui. Tu n'as pas de représentation de saint. Les protestants. Que ce soit Saint François d'Assise. C'est pas les mêmes religions. Non, après, il y a d'autres différences, évidemment. Les croyances ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Les protestants ont plus de rigueur, sont plus rigoureux. Oui, il y a un côté plus rigoriste, le doigt de Dieu. Il n'y a pas de faste dans les sculptures. C'est plus épuré, mais effectivement, l'idéologie est beaucoup plus rigoriste. Ils sont plus sur le Dieu, le doigt du Dieu accusateur. Ils n'ont pas le même rapport à la Vierge Marie qu'on peut avoir depuis 1854 avec la religion catholique. Peut-être qu'ils voient Dieu plus sévère. Moi, je vois pas trop Dieu sévère. Oui, voilà. Et après, il y a d'autres. Si, mais il y a d'autres différences aussi. Le catholique qui regarde avec une certaine sublimation. Dans sa religion, que le protestant, non, il a pas de sublimation dans le regard de sa religion. Il y a beaucoup moins de décoration dans une église protestante concernant justement. Disons que chez les protestants, les idoles statuaires sont interdites, voilà. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu es en train de résumer. Entre autres. Oui, alors on en revient donc à Amnesty International. Est-ce que vous, tous cette table, j'aimerais bien avoir votre avis, vous avez déjà, éventuellement, vous êtes déjà engagé dans une cause avec Amnesty International ou d'autres, signé des pétitions, milité sur des causes qui vous sont chères au long de votre vie. J'avais donné pour le tsunami et puis après j'ai laissé 2004. Tomber. J'ai laissé tomber parce qu'il y a des dons, il faudrait donner partout. Donc, j'ai décidé de m'en tenir à signer les pétitions d'Amnesty parce qu'on ne me demande pas d'argent, parce qu'on ne m'engage pas à quoi que ce soit et qu'ils ont besoin d'aide et qu'il y a une misère qu'on ne peut ignorer, des choses qui sont intolérables. Donc, pour moi, ça me suffit de signer leurs pétitions et je vous engage à le faire. Je vous répète, vous ne donnerez aucun argent. Et j'ai choisi une petite musique, on va passer à quelque chose d'agréable. Alors justement, on va faire cette pause musicale, je voulais que tu en parles. Pourquoi tu as fait ce choix de ce titre, Angels of Harlem. Angels of Harlem, c'est les anges d'Harlem. Et Bono, c'est un peu l'ange d'Amnesty International, c'est un peu un ange. Et dans un film que je regardais hier, sur la musique aussi, et on expliquait que la country... il y avait que la country et la soul, ça avait deux points communs, c'est-à-dire ça venait de la douleur. Et l'impresario expliquait que la country baissait les bras, alors que la soul criait sa rage de vaincre sans cesse. Elle lève les cœurs. C'est vrai, non, voilà. C'est vrai, il y a une... effectivement. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai vu ça dans le film hier soir, c'est l'impresario qui expliquait ça. Mais c'est vrai. Et dans Angels of Harlem, il y a une rage de vivre que j'adore chez U2, que tout le monde adore chez U2. C'est rock, ça bouge. Alors justement, on va arrêter d'en parler. On va l'écouter. On se fait cette première pause musicale de U2 avec Angels of Harlem. On se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Gemozo. On est ensemble jusqu'à 17h30 dans 90 minutes pour Boomerang avec Félicie, Dominique, Segundino, Jean-Baptiste et Pascal à la technique. Alors, on est en train de parler pendant la pause musicale justement du titre que vous pouviez écouter en direct et on voyait la mine déconfite s'effondrer au fur et à mesure de Félicie qui restait sur sa faim et qui apparemment ne reconnaissait pas le morceau de musique. Alors Pascal, tu sembles nous signaler qu'il y a eu un petit souci peut-être au niveau de Deezer sur la programmation du titre et que ce n'est pas Angels of Harlem. Oui, d'ailleurs je ne sais pas quel titre c'est exactement, mais bon, c'est pas c'était grave. C'était du YouTube. C'est le principal, c'était pour l'essentiel d'illustrer la chronique à Félicie. Désolée Félicie, on n'a pas pu contenter nos auditeurs et toi en l'occurrence. Je vous la passerai la prochaine fois parce que c'est vrai que cette chanson, je vais finir là-dessus. C'est vrai, pour moi, c'est un symbole de YouTube parce qu'il y a justement cette rage de vaincre, ce rock qui est vraiment endiablé. Et Angel of Harlem, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, c'est un joli titre. Si tu vas sur YouTube, tu devrais trouver Gimme Shelter joué par U2 et Mick Jagger et Fergie des Black Eyed Peas. Sacré cocktail. Ah oui, il a fait des cocktails. C'est pas mal. Hein. Je sais pas si t'as lu dans le livre, Dominique, mais moi, dans le livre, j'ai lu, il a fait des cocktails avec des grands. Ouais. Et c'était magique. Exactement. C'est les super groupes, c'est quand de grands artistes, de groupes connus, se mettent ensemble pour faire un autre groupe. C'est génial. Puis c'était pas du Garou marié avec du Zazie et du. Non, mais c'est vrai, on voit des trucs comme ça maintenant. C'est pas la même cam. Non, c'est bien. Il en faut pour tout le monde. Il faut pas dénigrer les duos français quand même. Non, je suis un peu. Je sais pas si peut-être t'étais peut-être toute petite, mais les émissions des Carpentiers, il y avait beaucoup de duos, c'était la mode, en tout cas la télévision à l'époque. Parce qu'eux officiaient à la télévision, il y avait trois chaînes à l'époque, et on voyait, on pouvait voir Serge Lama qui chantait avec Enrico Macias, ou Sheila qui chantait avec Claude François, il y avait des duos comme ça, Dalida avec de variété française. Ouais. Ça existe encore sur une émission de la 2, Taratata, ils font encore des duos, des chanteurs sur d'autres chansons. Mais bon, pour finir, c'est vrai que Angel of Harlem, c'est les anges de Harlem. Et Bono est vraiment un ange de soutenir Amnesty comme ça. Alors je vous encourage. Soutien du français, tu serais bien vu. On a notre Balavoine qui est soutenu. Soutien gauche pour soutenir du français, tu serais bien vu. Pascal, on a Balavoine qui soutenait aussi. J'aime bien. Et là, c'est aussi français. Je peux te dire que j'ai un disque de Balavoine, un ou deux disques de Balavoine. Oh, moi, j'ai non seulement plus que ça, mais je les connais presque tous par cœur. Parce que franchement, c'est quand j'étais adolescent, je n'écoutais que ça. J'adorais ça. Ouais. Il y avait on Cabrel rappelle de Daniel Balavoine qui a disparu en 86, en janvier 86, avec Thierry Sabine, entre autres, qui était l'organisateur du Paris-Dakar dans cette crash d'hélicoptère. Ouais. Alors, on enchaîne avec l'ami Dominique. Dominique, aujourd'hui, tu reviens sur le devant de la scène avec un bouquin. Un livre qui s'appelle L'Intranquille, un livre de Gérard Garouste. Oui, c'est l'autoportrait d'un fils, d'un peintre et d'un fou. Donc, c'est le fils d'un salopard qui aimait son fils. Mais le père était marchand de meubles et il récupérait les biens des juifs déportés. Donc, il n'était pas très clean, son père. Et mot par mot, il a fallu qu'il démonte une grande duperie que fut son éducation. À 28 ans, il a connu une première crise de délire, puis d'autres. Il a fait des séjours réguliers en hôpital psychiatrique. Pas sûr que tout cela ait un rapport, mais l'enfance et la folie sont à ses trousses, longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions, dit-il. Donc il est schizophrène. Bipolaire. Bipolaire, oui, plus. Enfin... Alors il y a des symptômes. Il ne savait pas. Il y a une distinction à faire entre les deux pathologies, évidemment, mais il y a pu y avoir des symptômes assez voisins. Au départ, il avait un conflit avec son père parce que son père était antisémite et lui, par. Esprit de révolte, s'est converti à la religion juive. Il a marié une juive. Pour tenir tête à son père aux idées de son père. Oui, parce que son père était violent à ce niveau-là. Il est rentré en résistance avec son père. Il a fait l'école des beaux-arts à Paris. Et ouais. Il a eu quelques débuts difficiles, mais il a commencé par faire les décors d'une boîte de nuit à Paris, le Palace. D'accord. Il faisait des décors quand il y avait des thématiques. C'est dans quelles époques que tu situes ça ? Ça, c'est dans les années 80. Oui, donc ça, c'est récent. Et voilà, et donc il a été contacté par un galériste de New York qui lui a fait sa réputation, et puis voilà, ça, c'est un peu le genre de la couverture, quoi. C'est assez torturé. Donc il a plusieurs casquettes artistiques à son arc, c'est-à-dire il fait de la peinture, de l'écriture, de la littérature, des décors aussi. Oui, et il a aussi une association pour aider les enfants maltraités. Ah oui. Donc des causes humaines aussi. Et je viens de le découvrir, je le connais depuis 2 jours et j'ai envie d'en parler. Ah oui, mais parle-nous-en encore. Alors qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce livre d'une manière plus franchement, détaillée c'est le fait de la maladie que j'ai pu vivre aussi. Donc par rapport à ton histoire personnelle, sans rentrer dans les détails. C'est pas les mêmes délires, mais bon, voilà. Tu t'es reconnu à travers lui. Il arrive à écrire quelque chose de construit avec son esprit son handicap. En chaos. Quoi. Ouais. Son esprit, comment tu dis ? Son esprit en chaos avec quelque chose de construit. Alors c'est ce qui fait toute la singularité de cette pathologie, qui est la bipolarité, mais comme la schizophrénie, c'est que ça n'altère pas forcément l'intelligence, et ça augmente peut-être même, en tout cas ça révèle peut-être une sensibilité accrue que des personnes lambda. Hein, tu pourrais peut-être nous en parler en faisant toujours le parallèle avec ce bouquin-là et sa sensibilité à lui. Et je vois déjà des mains qui se lèvent, on va pouvoir réagir justement sur cette... Je peux vous lire le passage où il parle sur cette question et ce parallèle. Comment ça a commencé. Parce que moi, ça m'a toujours passionné, justement. Le monde des personnes schizophrènes, des mondes des personnes bipolaires. Moi, je lisais des que sais-je. Quand j'étais jeune, je lisais des que sais-je sur les maladies. Ouais, on en parlera, justement. C'était l'été, nous étions en vacances dans le Lot chez des amis. Elisabeth était enceinte. Un matin, je me suis enfuie et tout ce qui se passa ensuite, j'en garde un souvenir aigu. Je suis partie sans rien, j'ai fait du stop, donné mon alliance au conducteur et pris le train à Brive-la-Gaillarde. Dans le wagon, 2 jeunes filles ont pouffé de rire en me voyant, un rire nerveux. J'ai dégagé quelque chose d'étrange. Je me suis mis à les regarder fixement, elles se sont tues. Puis je me suis assis en face d'une religieuse, j'ai posé mes yeux sur elle, j'ai vu sur ses lèvres qu'elle priait. Alors je me suis levée et je lui ai dit « Vous voyez, mon Dieu est plus fort que le vôtre ». J'ai changé de compartiment, je me suis approchée d'un couple. J'ai dit à l'homme « Pardon, monsieur, je voudrais m'asseoir à votre place. » « Il y en a d'autres libres », m'a-t-il répondu. « Oui, je sais, mais c'est votre place que je veux. Ou vous me dites oui, ou vous me dites non. » Timidement de la tête, il a dit non. J'ai dit « Ben voilà, je me suis éloignée. » Ensuite, un train est passé en sens inverse. Je me suis penchée à la fenêtre, les bras en avant, je n'avais pas peur de les perdre. En arrivant à Paris, j'ai proposé mon aide à une vieille dame très chargée sur le quai, et j'ai vu les gens du train lui faire signe et ne pas accepter. Les gestes m'étonnaient. Je suis sortie de la gare. Il y avait une longue queue au taxi. J'ai opté pour une voiture de maître. J'ai donné au chauffeur l'adresse de mes parents à Bourg-la-Reine. Tout en conduisant, il me regardait d'un air suspicieux dans le rétroviseur. J'ai ouvert mon portefeuille, j'en ai sorti ma carte d'identité et je l'ai jetée par la fenêtre. « Est-ce que vous voulez me dire votre nom » a-t-il demandé. « Je m'appelle Zobie. » Et quand il arrivait à l'hôpital, il n'avait plus d'identité, il ne savait plus dire son nom. Ah oui. Mais il y a une narration qui est extraordinairement détaillée et précise. C'est-à-dire qu'on voit vraiment... Se souvenir des délires comme ça, parce qu'au fil du temps, ça peut être quelque chose d'assez vague. Pourquoi il ne sait plus son nom, Dominique ? C'est une dépersonnalisation. Ça fait partie de la maladie, de la bipolarité, du moment où tu fais la crise dépressive. Mais moi je pense je pense que effectivement il y a la bipolarité, la schizophrénie qui sont proches, comme tu dis Jean-Baptiste, et que j'ai pas dit qu'elles étaient proches les deux maladies, j'ai dit qu'il y a des symptômes voisins, mais il y a quand même des différences notoires entre symptômes voisins. Vous êtes bien renseigné sur la question, mais moi aussi justement le schizophrène n'est pas franchement vraiment considéré comme un dépressif. Oui. Il peut devenir dépressif. Oui. Mais le schizophrène, c'est schizophrène, c'est pas schizophrène avec inclus dedans dépressif. Ouais, mais il y a un mot qu'a employé Dominique qui est tout à fait juste. Ah oui, pardon. Et je pense que, Dominique, tu as employé le mot chaos. Et je pense qu'une personne qui a le chaos dans la tête, c'est encore bien pire qu'une personne qui est schizophrène ou bipolaire. Quand, qui a le chaos dans la tête, c'est... Bon, peut-être qu'il serait intéressant, parce que là, effectivement, Segundino venait de nous rappeler la structure même de la schizophrénie. Mais alors là, on parle de bipolarité. Là, pour le... voilà. Donc il y a quand même des différences. Donc, ça serait bien peut-être de rappeler les différences pour ne pas faire d'amalgame, encore une fois, sur les deux pathologies. Un bipolaire, il pourra peut-être construire sa vie professionnelle, familiale, qu'un schizophrène aura plus de mal. Ça sera plus compliqué. Ouais. Et pourquoi ? C'est une adaptation au monde. Et quelles sont les recherches aujourd'hui ? Quels sont les espoirs de recherche Maintenant, il y a plusieurs... neurologiques et psychiatriques. Il y a le terrain génétique, bien sûr. Et puis après, je ne sais pas si c'est... Parce que ça touche au comportemental et à la personnalité. Ça affecte la personnalité aussi de l'individu. Donc, ce qui serait intéressant aussi peut-être de comprendre, c'est d'où ça vient. Est-ce que c'est depuis la naissance ? Est-ce que ça se développe avec l'évolution de l'individu dans son enfance, son adolescence ? Est-ce que c'est lié aussi à ce qu'il a vécu, c'est-à-dire son environnement ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est tout à la fois ? C'est une prédisposition génétique qui est enclenchée par un événement... émotif assez grave. Qui déclenche finalement dans l'adolescence les symptômes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme espoir de recherche actuellement ? Bon, de traitement, évidemment, il y a par neuroleptique, tout ça, mais... suivi psychiatrique. On peut quasiment pas se passer des médicaments. Maintenant, il y a des recherches, il y en a qui prétendent qu'on peut guérir, mais il y a toujours un terrain fragile, on est fragile à vie, quoi. Donc toi, tu es concerné par la bipolarité. J'ai une forme de bipolarité. Parce qu'il y a plusieurs formes. Ouais. Moi, j'ai une schizophrénie stabilisée. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est peut-être vrai, Dominique, ce que tu dis que... Quand tu dis stabilisée, c'est intéressant ce que tu dis. Stabilisée, ça veut dire qu'elle a été stabilisée par l'âge... L'âge et le traitement. Et le traitement. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que, Dominique, tu disais, un bipolaire, il va avoir plus facile de construire sa vie familiale. Parce que c'est pas permanent. Non. C'est bipolarité, c'est des c'est stades, des en phases, fait. Des phases. Il y a des différentes phases. Il y a des phases où ils sont très bien. Mais dans la schizophrénie, on a une part de liberté. C'est-à-dire C'est-à-dire on est un peu esclave de la solitude, mais on a une grande part de liberté, de s'intéresser à plein de choses et d'aller au fond des choses. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a étrangement une lucidité absolument exacerbée sur la vie, sur ce qui nous entoure. On est un peu une éponge à émotions décuplée, d'une certaine manière. Oui, les émotions, par quelqu'un dit entre guillemets normal, vont passer chez une personne psychiquement malade. Moi, j'aime pas le mot normal ou anormal. Tu le dis toi-même Il y a des gens qui sont dans les clous. Où fixe-t-on la normalité, encore une fois ou la marginalité, d'ailleurs. Il y a un médecin qui m'a expliqué une personne normale comment ça se passe. Elle a l'idée, elle a l'émotion, ensuite l'action. Après, pour le schizophrène ou pour différentes maladies, bipolarité, tout ça, tout ça s'est éclaté quelque part par syndrome. Tu as plusieurs syndromes de différentes choses. Comme des îlots. Syndrome délirant, syndrome autistique, syndrome de dissociation et autres. Voilà, c'est là où ça se complique. Alors, pour en revenir au bouquin, puisque cet homme-là est bipolaire, toi, qu'est-ce qui t'a touché dans le fond ? C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Dans le fond du livre, est-ce que c'est cette intolérance à son père, en fait, cette résistance, ou autre chose ? Il cherche dans son enfance ce qu'il aurait pu bloquer, mais en fait, il transforme en art, quoi. Il le sublime à travers des supports artistiques, littérature. Il a fait un tableau, peinture. Ça s'appelle Le Classique et l'Indien. Si on veut, les classiques, c'est ceux qu'on dit les normaux, puis l'Indien, c'est celui qui est en dehors des clous. Le problème, c'est que Le problème, oui, c'est que dans ces maladies-là, mais on peut, souvent c'est très difficile à trouver depuis quand ça bloque, mais le problème aussi, c'est que quand on a retrouvé, on s'aperçoit qu'on ne peut rien faire, que ça ne change pas les choses. Ouais. Enfin, de l'avoir compris, de l'avoir analysé. Oui, ça fait des après les médicaments. Oui, oui. Après, les choses, elles passent. Elles passent mieux, oui. Après, les protocoles médicamenteux, les neuroleptiques, entre autres, ciblent de plus en plus précisément, peut-être, des parties du cerveau, des neurones, qui agissent peut-être d'une manière plus précise et font peut-être un petit peu moins de dégâts à long terme sur l'organisme, parce qu'on sait bien que les neuroleptiques, il y en a eu plusieurs familles, il y en a eu plusieurs depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a évolué, mais ils touchent maintenant des zones de plus en plus précises du cerveau en termes de neurones, pour pouvoir plus agir sur justement à rectifier ou à atténuer ou faire disparaître certains symptômes. On va dire atténuer, je suis d'accord avec toi, on va plutôt utiliser le terme atténuer. Si tu veux dire guéri, on est tous guéris, hein. Si on prend un médicament, on est tous guéris. Non, c'est atténuer, ils atténuent de beaucoup, mais on reste dans une incapacité... D'accord. Comment dire, On est au ralenti. Ça dépend les gens. Hein, ça dépend les gens. Alors Pascal n'a pas l'air d'accord, mais bon, je pense même que Segundino, il connaît son sujet. Ça dépend les malades, pas les gens. Exactement. Il y a autant de schizophrénie que de personnes. Vous avez dit tout à l'heure que les schizophrènes n'étaient pas dépressifs. Il y a quand même beaucoup de schizophrènes qui se sont suicidés. Il ne faut pas oublier ça. Donc, névropsychose. Donc c'est quand même une certaine forme de dépression. Ils sont à schizophrène peut être sujet à la dépression parce que je sais pas, une séparation avec sa nana ou mais enfin tout le monde tombe pas en dépression parce qu'il y a une séparation qu'on n'est pas forcément pas voulu dire ça. Il peut avoir plusieurs raisons, sa vie qui chancelle. Mais il a des sentiments qui sont exacerbés quand même par sa maladie. Voilà, c'est ça. Je crois donc aussi. Tout est décuplé aussi après dans la chute. Mais, j'en suis la victime aussi. Mais la névrose n'est pas sous-jacente à la schizophrénie. C'est encore autre chose, une névrose. La dépression. Comme la névrose obsessionnelle, par exemple, les TOC, tout ce qui est compulsif. La dépression, c'est une névrose. Oui, mais c'est une maladie, attention. C'est une névrose. Oui, mais c'est reconnu comme une maladie avec plusieurs degrés, plusieurs formes. Mais on peut être. Je voudrais juste finir. Individuellement. On peut être dépressif sans être schizophrène, sans être bipolaire. Oui. La dépression n'est pas simplement une maladie qui est liée au schizophrène. Attention de ne pas faire d'amalgame et de confusion. La schizophrénie, c'est souvent des personnes qui ont du mal avec la réalité, qui pensent que leur rêve c'est la réalité, que ça soit des voix, que ça soit des images. C'est un peu simplifié quand même ton image là, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Moi j'ai plein d'exemples là quand même de gens qui avaient des idées pas possibles et qui pensaient que c'était la réalité, comme des micros dans les dents, comme merci ci, comme Pascal, ça. Merci Pascal, tu ne me vises pas par hasard. Je t'ai pas cité. On se calme. Mais moi, j'avais toujours cet exemple de ce jeune qui avait décapité les infirmières du côté de Pau, là, dans les Hautes-Pyrénées, enfin dans cette zone-là. Et il pensait que c'était des mutantes. Il les aimait, hein, elle le soignait depuis longtemps, ce jeune-là. Mais lui, il les voyait dans ses crises comme des mutantes. Il est dans un état vraiment de dédoublement de personnalité complet. Et il les avait décapités. Il avait mis leurs trophées sur des postes de télé. Et c'est les collègues qui ont retrouvé malheureusement. Mon Dieu, quelle horreur. Il y a eu toute une. Donc la maman, évidemment, du jeune, il y a eu tout un procès, il y a eu tout ça. Bon, il a été reconnu, évidemment, pas coupable de ses actes. Enfin, en tout cas. Mais enfin, ça m'avait marqué ce fait divers il y a quelques années en termes de schizophrénie. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Mais là, on était vraiment, je pense, dans un symptôme extrême. Il ne faut pas penser que toute personne schizophrène en est là et va faire ça. Hein, voilà. Je tiens à préciser une chose, c'est chaque schizophrène a une personnalité bien différente. Donc, les syndromes qui touchent à sa personnalité... Les symptômes. Les syndromes. Syndrome et symptômes. Moi, je parle de syndrome. Oui, oui, oui. Les syndromes qui touchent à sa personnalité, c'est-à-dire schizophrénique, peuvent être... plus ou moins, on peut être plus ou moins atteint. Plus ou moins atteint. Le médicament peut mieux réagir sur certains que sur d'autres. D'accord. Il y a ça, je veux dire, c'est différent. Il n'y en a pas un pareil. Hein. Alors, précise-nous quelle est la différence, quelle différence tu fais entre le... Il y en a une, entre le syndrome et le symptôme, par rapport le à cet exemple de schizophrénie. C'est plusieurs symptômes réunis. Voilà. Donc, c'est quand même des symptômes. Mais c'est un syndrome. Oui. Qui réunit des symptômes. Qui réunit des symptômes. Oui, le syndrome est un symptôme d'une certaine manière. Je ne t'ai pas critiqué. Voilà. Non, mais c'est pour bien qu'on comprenne. C'est surtout dans un esprit de clarté pour ceux qui nous écoutent. Le tout réuni donne un... Un syndrome notoire, voilà. Exactement. Qui est déterminé par une expertise psychiatrique. Juste, moi, je dis ça, juste ça. J'avais lu des cossages dans ma jeunesse sur les maladies psychique, et en fait bon, c'est un peu dépassé maintenant, on est quand même en 2019, mais dans les années 90, ils avaient classé les maladies, alors les névroses qui étaient déprime par exemple, et la psychose qui était dépression, c'est-à-dire que les névroses sont plus légères, oui, sûrement depuis longtemps. Les névroses sont plus légères que les psychoses, c'est-à-dire que la psychose, c'est un état plus grave que la névrose. Mais dans chaque psychose et des névroses, il y a des maladies différentes. Non, c'est bien le préciser. Comme la catatonie, c'est une psychose, donc c'est un effet grave de l'hébétement. Quand dans une névrose, on est hébété. Mais dans une psychose, on est carrément catatonique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger. La névrose, tu peux la soigner. Il y a beaucoup de névrosés qui ont guéri. Moi, je pense à beaucoup de dépressifs. Hein. Je pense surtout à des dépressifs. Hein. C'est une maladie qui guérissait. Du temps de Freud, lui, il était psychanalyste, il soignait beaucoup. Il a soigné beaucoup de névrosés. Les femmes hystériques, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Laisse finir Sylvino, s'il te plaît. Il a soigné beaucoup de névrosés. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, et il y en a qui l'ont réussi. Mais des schizophrènes, il n'y en a pas eu un seul. Je ne parlais pas d'un témoignage que j'ai lu, mais voilà. Et puis alors Freud, en plus, on touche à la psychanalyse, donc c'est encore autre chose. Oui, tu voulais rajouter, Félicie ? Non, c'est tout, je voulais juste dire ça. D'accord. Je ne vois pas en quoi ça change, la psychanalyse de... Tout ce qui est la psychanalyse, c'est plus une introspection, c'est plus un travail d'introspection. C'est une analyse. Je peux finir ? Oui. C'est plus une introspection qui peut être étalée sur des années, où vraiment tu vas faire un travail d'introspection sur toi, pourquoi tu fonctionnes comme ça, pourquoi tu as telle émotion, pourquoi dans ta vie tu reproduis des schémas peut-être de relationnels ou autres, qui permet de comprendre ton identité, ton intériorité profonde de l'inconscient, et non pas du conscient. Voilà. Mais on n'est pas forcément dans un soin à ce moment-là psychiatrique quand on fait une psychanalyse. C'est deux choses différentes. Voilà. Après, on touche effectivement au monde de l'inconscient. Et la schizophrénie, la bipolarité qu'on évoque cet après-midi à travers le livre de notre ami Dominique, effectivement, touche aussi dans ces syndromes qui réunissent donc les symptômes à l'inconscient aussi. Et justement, qui fait que ça exacerbe peut-être aussi des talents artistiques. Alors moi, j'ai un exemple à vous citer qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Peut-être que vous connaissez autour de cette table cette peintre qui vivait au siècle dernier. Il y avait un film qui avait été fait d'ailleurs il y a quelques années. Séraphine de Senlis, qui peignait. Alors elle était bonne à tout faire, on peut dire les choses comme ça, dans une famille bourgeoise. Elle peignait le matin En pointe. Elle utilisait le pointillisme pour faire. Elle peignait beaucoup du floral, du végétal, voilà. Jusqu'au jour où il y a un ami de la famille bourgeoise qui a vu l'étoile et il savait pas du tout. La famille ne savait pas qu'elle peignait. Alors elle utilisait, elle produisait même ses couleurs elle-même avec la terre, avec de la terre rouge, et elle faisait des poudres colorantes comme ça. Et ces tableaux, maintenant, je sais plus où est la collection, mais ces tableaux ont une valeur. Elle est cotée. Cotée. Et lui a voulu la faire connaître, cet homme-là. Quand ils ont su que c'était la bonne de la famille, il l'a un petit peu chapeauté, il l'a fait exposer et tout ça. Et je ne sais plus quelle actrice jouait. C'est Yolande Moreau, je crois, qui jouait le personnage. Moi, j'avais vu le film et j'ai lu le livre. Moi, je l'ai lu, j'ai vu le film il y a longtemps. J'ai entendu parler de Joséphine de Senlis il y a longtemps aussi. Ouais. C'est plus trop dans mon actualité de mémoire. Alors, je ne sais plus ce qu'elle avait comme maladie psychiatrique, mais je crois que c'était de la... Je ne sais plus si c'était schizophrène, bipolaire ou les deux. Enfin, bon, en tout cas, elle était vraiment absolument exacerbée par cette finesse. Parce qu'elle avait un aspect comme ça, elle avait un comportement un peu, entre guillemets, simplette. Hein, enfin, en tout cas, c'est ce qui était dit dans l'histoire. Mais elle avait cette intelligence extraordinaire parallèlement. Et c'est pour ça que c'est aussi extraordinaire et étrange et complexe. Alors, moi, pour en rajouter un peu, je dis la seule chose qui peut faire du bien à un schizophrène comme à un névrosé quelconque, c'est l'occupation, la concentration sur quelque chose qui... Ouais. C'est le travail, pas le travail d'analyse, ça on le fait après, mais l'occupation et la concentration sur quelque chose. Tu veux dire dériver le cerveau de sa partie émotionnelle. Ça peut être sur une œuvre artistique, ça peut être sur un travail, ça peut être sur un travail quelconque, hein, ça peut être sur... Tu t'éloignes du micro. Ça peut être sur... je te dis, l'occupation, quelque chose qui t'occupe, qui te concentre, c'est la seule chose qui peut t'amener à redresser, si c'est possible, qui te remettra sur l'oreille, si c'est possible. Ouais. Je serais plus prudent par rapport à ça, mais effectivement, tu peux te donner une structure de vie régulière et supportable. Félicie. Oui, je pense à la société aussi qui fabrique des schizophrènes, parce que, comme dit Secundino, moi, ça me fait tout de suite penser à ma mamie qui brodait. Le temps, elle brodait. C'est ce que disait Secundino. Voilà, donc ça évite finalement de l'ennui. L'ennui, parce que c'est peut-être l'ennui aussi qui nous rend schizophrène, où on complique tout. Schizophrène, c'est une psychose, hein, c'est un choc, c'est un... Comment on appelle ça? Un traumatisme. Il y a un facteur déclenchant. Ouais. C'est traumatique hein, quand tu es enfant. Ça, c'est quand tu es enfant, c'est choc traumatique. Bon, on va refermer le débat. J'ai... En tout cas, notre livre, ton livre, entre autres, Dominique, nous a inspiré en tout cas autour de cette table. J'ai une petite question, Dominique. Qu'est-ce qui t'a ému aussi dans ton livre? Parce qu'il n'y a pas que la psychiatrie dans ton livre. Non, on n'a pas parlé que de ça si tu as suivi la chronique. Non, on a parlé aussi de la peinture et de. Et pas que de ça non plus, Félicie. Non. Il a même été acteur d'ailleurs. Oui. En plus, oui. Oui, d'accord. Alors, tu nous as choisi. Frankie Goes to Hollywood. Relax. Tout de suite après, sur Radio Gamers, on se retrouve. Voilà, Frankie Goes to Hollywood, Relax, un titre ô combien célèbre, choisi par l'ami Dominique pour sa chronique sur ce fameux livre donc de Gérard Garouste, L'Intranquille. Peut-être deux mots encore pour conclure, Dominique. Ben, j'espère, il a 72 ans et j'espère qu'à son âge, il aura trouvé la tranquillité, et moi de même, et tout le monde. D'accord, en tout cas, c'est un livre qui t'a inspiré, oui. Que tu as envie de peut-être nous faire partager oui. La lecture. C'est un sujet un peu sensible, mais ouais. Voilà quoi. Alors, on va réenchaîner pour cette dernière demi-heure ensemble dans Boomerang avec Félicie. Tu vas nous évoquer un grand compositeur qui aime le jazz, en tout cas qui aimait le jazz, qui a grandi avec le jazz et la musique brésilienne aussi, qu'il a rapporté dans les années 60 en France. Enfin, un certain type de musique. Et brésilienne, mais surtout le jazz, et qui est devenu un grand compositeur de musique, de films entre autres, et qui a collaboré avec Jacques Demy dans ses projets de Parapluie de Cherbourg, de Demoiselle de Rochefort, et qui a fait de nombreuses musiques de films. Oui, ben pas c'est... que, hein. Il y en a d'autres aussi. On a vu les Demoiselles de Rochefort à Noël, on les a vues il y a 15 jours. Donc, en fait, mon projet aujourd'hui, c'était de te brancher sur ce film. Alors, surtout surtout de faire un hommage à Michel Legrand. Voilà, c'est ça, je voulais te brancher dessus. Qui nous a quittés il y a quelques jours, à l'âge de 86 ans. Je voulais que ce soit ma chronique d'aujourd'hui, j'en ai écrit une quand même, mais je voulais te... Alors, parle-nous de Michel Legrand, déjà, pour commencer. Oh ben moi, Michel Legrand, je ne connaissais absolument pas, sauf les Moulins de mon cœur. Et les Demoiselles de Rochefort. Et les Demoiselles de Rochefort, voilà. Pour moi, ça s'arrête. C'est déjà pas mal. Oui, mais tout ce qui est autour, les Demoiselles de Rochefort, j'adore. Les Moulins de mon cœur, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petite, qui est magnifique, que j'aimais bien aussi. Mais c'est à toi, Jean-Baptiste, de nous en parler. Non, moi, je vais faire un tour. J'en parlerai à mon niveau tout à l'heure. Je voudrais faire un tour de table, déjà. Est-ce que Michel Legrand vous a inspiré? Vous le connaissiez, Dominique? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Bah, tu vas apprendre des choses. Moi, j'ai en mémoire la douceur de sa voix quand il chantait. Ouais. Ouais. Je trouvais... Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il chantait aussi. Ouais. C'était pas sa prédilection. Mais ouais, ça faisait comédie musicale, ça racontait une histoire. Ça. Et toi, Pascal, Michel Legrand, ça t'inspire? Ben, je connais les musiques de films, mais le personnage en lui-même, pas vraiment, non. Enfin, il revenait au devant de la scène les dernières années. Là, il était beaucoup commémoré, mais enfin oui, il refaisait des choses. Et puis il avait une nouvelle compagne qui était Macha Meryl. Ils se sont connus jeunes et puis se sont mis ensemble. Oui, ils se sont. En fait, la petite histoire avec Macha Meryl, c'est ça s'est passé au début des années 60. Macha Meryl était une actrice de la Nouvelle Vague. Ouais. Elle est une actrice de la Nouvelle Vague. Et les Parapluies de Cherbourg en 64 venaient de remporter la Palme d'Or et donc le film s'exportait dans le monde entier et ils étaient partis avec Catherine Deneuve, Michel Legrand, entre autres, et Jacques Demy là-bas au Brésil. Et c'est là qu'il a rencontré Macha Meryl qui défendait un film dans lequel elle jouait. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre immédiatement. Ils sont allés dans les favelas écouter justement cette petite musique de favela brésilienne, mais tout honneur. Et malheureusement, ils étaient, ou heureusement, ils étaient pris dans leur vie, tous les deux. Ils avaient un compagnon pour elle et une compagne pour lui. Et pendant 50 ans, ils ne se sont pas revus. Ils ont décidé de ne pas poursuivre cette idylle et ils se sont croisés professionnellement pendant ces 50 ans, mais sans autre équivoque de retracer un lien. Et il y a 6-7 ans à peu près, ils se sont retrouvés seuls, libres, et se sont retrouvés. Et leur amour a repris le cours des choses. Et là, ils ont décidé de vivre pleinement cet amour. Ils se sont mariés il y a 5-6 ans. Et ils ont vécu tout ce qu'ils pouvaient vivre en accéléré, parce qu'elle, elle a autour de 80 ans et lui est c'est mort à 86 femme, ans. Donc trouve. C'est une jolie histoire, c'est une très belle histoire, en tout cas d'amour, et que Macha Meryl l'a défendue dans un bouquin, entre autres, récemment. Et là, maintenant, elle explique, je l'ai entendu récemment, qu'elle va travailler maintenant sur la mémoire musicale et l'œuvre musicale de son mari défunt. Et que ça sera son dernier grand cheval de bataille dans sa vie, c'est de porter sa musique et de défendre sa musique à travers le monde. Voilà, elle a décidé de faire ça. Alors Michel Legrand, bon ben Michel Legrand, évidemment, c'est un fils de musicien hein, à la base, hein, chef d'orchestre. Donc il a baigné là-dedans. C'est un homme qui adore jouer du piano. C'est en tout cas son instrument de prédilection toute sa vie. Et c'est surtout un homme qui aime le jazz à la base. Voilà, il a été baigné par le jazz. Et il fera de sa musique plus tard une musique, on va dire, effectivement, il va travailler sur la mélancolie, sur des thèmes assez tristes qui vont bien coller avec un grand réalisateur, metteur en scène qui s'appelle Jacques Demy, hein, puisque c'est de ça que tu voulais que je parle. Félicie, voilà, qui sont à peu près de la même génération. Bon, Jacques Demy est décédé il y a déjà près de 30 ans. Alors Jacques Demy, pour la petite histoire, qui était né à Nantes, qui a vécu, qui a grandi dans un garage avec ses oncles et tantes, a été baigné dans cette ambiance de cambouis et d'odeur de graisse et de bagnole un peu vintage. A eu un projet dans les années 60 en tant que réalisateur, un projet dans les années début des années 60, 62, 63, de ce qui sera Les Parapluies de Cherbourg, qui reste un ovni dans l'histoire du cinéma français, puisque c'est un film entièrement chanté. Ce qui n'était pas, évidemment, une tradition dans le cinéma français, c'est plutôt une tradition américaine, les grandes comédies musicales, Singing in the Rain, tout ça, avec... Jane Kelly, Judy Garland, entre autres, et les claquettes, c'était plutôt aux Américains. Et c'est vrai que Jacques Demy avait cette ambition, avec Les Parapluies de Cherbourg, de faire un espèce d'opéra chanté, un film entièrement chanté, auquel personne ne croyait. Et il a été sollicité. En fait, c'est lui qui a sollicité Michel Legrand, qui n'avait absolument pas de minute pour lui, parce que Michel Legrand était déjà bien pris, il faisait déjà de la grande composition musicale. Et il aimait sa musique et il trouvait que sa musique pourrait coller à son scénario. Et il l'a tanné, et Michel Legrand a cédé. Ils ont mangé ensemble, ils se sont donné un rendez-vous et ils ne se sont plus quittés, en tout cas, évidemment, professionnellement, puisqu'ils ont fait plusieurs films ensemble, dont Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Donc Michel Legrand, lui, écrivait les paroles, écrivait la musique. Et c'est démerdé pour trouver évidemment les chanteurs et chanteuses, puisqu'il faut savoir que dans Les Parapluies de Cherbourg, ce ne sont pas les acteurs qui chantent. Ah bon ? Voilà. Donc c'est en l'occurrence Catherine Deneuve qui a été vraiment là révélée par Jacques Demy en tant qu'actrice. Ce n'est pas sa voix, voilà, dans ce film-là. Et c'est un film entièrement chanté. Donc les gens étaient un peu surpris quand ils sont arrivés au cinéma. Je me souviens de ma mère qui l'a vu à l'époque quand il est sorti au cinéma. Elle était toute jeunette. Et ils ont été surpris quand elle l'a vu qu'il n'y ait pas de parole, qu'il n'y ait pas de phrasé parlé, que ça soit entièrement chanté. Et c'est une histoire, Les Parapluies de Cherbourg, qui retrace la guerre d'Algérie, donc quelques années auparavant la sortie du film. Et c'est un amour déchu, en fait. Catherine Deneuve, c'est le personnage de Geneviève. Elle vit avec sa mère et tient une boutique de parapluies dans les quartiers de Cherbourg, près du port, dans cette fin des années 50. Elles vivent toutes les deux pauvrement. Bon, ça marche plus ou moins, leur commerce, mais la mère a beaucoup de dettes. Et elle, cette Geneviève qui a à peine 20 ans, elle tombe amoureuse d'un garagiste dans la rue voisine qui est employé. Et ils ont une idylle et la guerre d'Algérie l'appelle au combat. Donc il est obligé de partir. Lui, il vit chez sa tante qui est malade. Leur amour est arraché par ce départ en Algérie en ce qui concerne le personnage de... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur Nino Castelnuovo, un acteur italien qui campait ce personnage-là. Et elle se retrouve pendant 2 ans à l'attendre. Donc il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communiquer, donc c'était par courrier. Alors au début, elle a des lettres, et puis après, elle n'en a plus. Et donc elle l'attend, et puis elle est enceinte de lui, parce qu'avant de partir, elle l'a mis enceinte. Et elle garde cet enfant-là. Et comme il ne revient pas, et puis qu'il ne lui écrit plus, au bout d'un moment, cet amour déchu s'étiole, s'effondre, elle est très malheureuse. Et comme la mère est dans des gros problèmes financiers, elle se rapproche d'un joaillier, Kassar, je crois, le nom du personnage, et qui est un homme bien, qui a de l'argent, qui est joaillier en Europe, et qui va épouser Geneviève. Mais Geneviève n'en est pas amoureuse, mais ça va être un mariage de convenance. C'est comme Fanny et Marius. Voilà, c'est exactement le même principe. Alors, bon, on va pas raconter tout le film, puisque à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire sa vie avec cet homme-là, donc elle va devenir riche. La maman va décéder, et lui va revenir du front quelques années plus tard, en la recherchant, mais elle est plus là, elle a déménagé, elle est riche. Donc il va épouser, finalement, la jeune, je sais plus comment elle s'appelle, qui s'occupait de sa tante, qui, elle, est décédée, entre-temps. Et donc il va monter son garage à Cherbourg, et elle, un soir, Catherine Deneuve, elle revient avec sa grosse Rolls-Royce, avec sa gamine qui a déjà quelques années, qui n'est autre que la fille de Jacques Demy et de Agnès Varda. Voilà. Et elle va s'arrêter pour prendre de l'essence à Cherbourg, à la station-service du garage où lui il est. Et donc c'est toujours l'histoire, les films de Demy, c'est toujours les chassés-croisés, les amours impossibles, les amours qui ne se rencontrent pas. Et donc la musique de Legrand, de Michel Legrand, elle colle bien, les thèmes musicaux de Michel Legrand collent bien à ce type de scénario. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, en tout cas, ces deux grands films, entre autres, ils en ont fait d'autres, mais... Et Les Demoiselles de Rochefort aussi. J'allais dire, je croyais que tu parlais justement des Demoiselles. Non, là, c'est Les Parapluies de Cherbourg en 64. Okay, et Les Demoiselles de Rochefort. Je connaissais pas. C'est un film aussi qui a une mélancolie, mais il y a peut-être plus de gaieté dans le scénario. C'est deux ans plus tard, c'est avec Catherine Deneuve et la regrettée Françoise d'Orléac, sa sœur. Oui ? Oui, des réactions. Les Demoiselles de Rochefort, c'est beaucoup plus gai que Les Parapluies de Cherbourg. Et il y a une partie parlée, c'est-à-dire qu'il alterne entre chansons et parler, c'est-à-dire à la différence des Parapluies de Cherbourg. Voilà, mais ils ont collaboré encore tous les deux. Pascal, oui, on pourrait parler aussi des récompenses qu'il a eues. Il a eu en 1969 la meilleure chanson originale pour The Windmill of Your Mind dans l'affaire Thomas Crown. Donc il a eu un Oscar aussi en 1972 pour la meilleure musique de film de Un été 42. En 1984, meilleure adaptation musicale pour Yenti. Il a aussi le Golden Globe en 1969 pour l'affaire Thomas Crown. Ouais. Alors Yentel avec un magnifique thème de chanson qui a été chanté par Barbara Streisand, qui a une voix merveilleuse et qui a chanté donc dans ce film Yentel. C'est dommage, là on n'a pas programmé pour Pascal, mais on pourra les passer sur un autre boomerang. C'est une chanson magnifique, la chanson phare de Yentel, chantée par Streisand, qui est une musique composée par Michel Legrand. Tu évoquais l'été 42, mais il a fait d'autres musiques de films aussi, je crois, avec les films avec. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, je sais qu'il avait fait de la musique de films aussi avec Simone Signoret, Alain Delon aussi. Il a fait d'autres musiques de films très connues aussi, même avant les Parapluies de Cherbourg. C'est un grand compositeur, c'est vraiment quelqu'un, c'est une perte en tout cas musicale, en tout cas pour la France. Il n'a pas collaboré aussi avec Claude Lelouch ? Je pense, il a collaboré avec d'autres. On peut aller voir sur internet tout ça, c'est vrai. Que... Bon, il fait partie, après il a fait beaucoup de musique de film, il est un peu dans cette trempe des Vladimir Kosma, cette musique. Vladimir Kosma, c'est plus La Rose du Dublin, les feuilletons comme ça, ces grands feuilletons télévisuels, mais c'est des musiques très mélancoliques, très nostalgiques. Tu peux pas nous passer des extraits, tu peux pas nous. J'ai les Moulins de mon cœur là, si tu veux. Eh bien, on va justement peut-être se faire ça en pause musicale, Les Moulins de mon cœur. C'est assez triste, mais c'est magnifique. À tout de suite. Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. D'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Voilà, alors ce qui est intéressant dans cet extrait qu'on vient de passer pour rendre cet hommage à Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur, c'est sa voix qu'on entend. Voilà. Ouais. Donc Dominique expliquait tout à l'heure justement qu'il chantait aussi, et c'est vrai effectivement. Et là on entend sa voix. Donc on évoquait aussi autre grand film avec Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Peut-être nous en parler deux minutes. Bah oui, je voulais du scénario de l'histoire. Oui, j'ai fait Les Parapluies de Cherbourg, tu fais Les Demoiselles de Rochefort. Moi je l'ai vu plusieurs fois, je crois que je l'ai vu trois fois. En fait, donc scénario de Jacques Demy, oui, musique, parole de... Oui. Et comme tu dis, c'est à moitié chanté, à moitié parlé. Et comment... je préfère Les Parapluies de Cherbourg, m'ont beaucoup plu. Mais franchement, Les Demoiselles de Rochefort, c'est mon préféré parce qu'il est plus gai. Mmh. C'est deux histoires d'amour aussi, deux jumelles qui sont dans la musique. Et, qui vivent à Rochefort. Qui vivent à Rochefort, et leur maman, elle tient un bar. Sur la place Colbert. Sur la place Colbert. Ah, tu sais quand même comment s'appelle la place. C'est Daniel Darieux qui joue le rôle, Daniel d'ailleurs. Daniel Darieux, exactement. Des sœurs d'Orléac, ouais. Françoise d'Orléac et ouais. Catherine Deneuve. Mmh. Et en fait, elles vont trouver l'amour de leur vie. Il y a un marin qui cherche une jeune fille, il écrit des chansons. Maxence. Mmh. Et en fait, il cherche sa fiancée, il a un idéal dans la tête. Il la peint, et en fait, la blonde, elle se reconnaît, elle dit, mais qui m'a dessinée, en fait Donc en fait, elle a un galeriste qui l'aime, mais qu'elle n'aime pas, et il y a ce tableau que lui a déposé pour... où il a peint son idéal féminin, qui est Catherine Deneuve, en fait. Oui, et en fait, elle se reconnaît, et ils vont se croiser. Hein. Comme tu disais, il y a des chassés-croisés. C'est des chassés-croisés, hein. C'est voilà, les thèmes de Demy, et qui collent bien avec la musique de Michel Legrand, cette musique un peu mélancolique. Donc, ils vont se croiser, sans savoir que c'est l'un ou l'autre. La sœur, la brune, bon, Solange. Le personnage de Solange, joué par Françoise d'Orléac. Solange, elle est amoureuse d'un musicien aussi. Non, elles ont deux casquettes différentes. Il y en a une qui est professeure de danse, c'est-à-dire Catherine Deneuve, et Solange, piano. Elle fait du solfège, elle compose. Voilà. Et elle va composer ce fameux concerto, qui est Michel Legrand, ce fameux thème du concerto. Ouais. Et elle va faire tomber sa partition en voulant récupérer le petit frère Boubou à l'école. Et c'est Jane Kelly que Jacques Demy, avec la production de Mac Bodard, a réussi à faire rentrer dans le film, ce qui a donné évidemment une scène internationale au film, puisqu'il a été aussi doublé en américain, en anglais. Il est sorti au mois de mars 67 à Londres aussi, simultanément. Il est sorti internationalement, ce film-là. Et c'était une des plus grosses productions franco-américaines de Jacques Demy, qui a remporté un vif succès. Et donc, d'Orléac, elle va rencontrer Jane Kelly par hasard, parce qu'elle fait tomber sa partition en sortant de l'école pour rechercher son petit frère. Et lui va essayer de la retrouver. Et ils vont se retrouver dans le magasin du père des deux sœurs jumelles, qui est joué par Michel Piccoli, qui tient le magasin de musique. Il est excellent dans son rôle, franchement. Ouais. Monsieur Dame. J'ai Monsieur Dame. Alors justement, je voulais y venir à Monsieur Dame. En fait, il y a tout un... Qui a eu les jumelles avec Daniel Darrieux. Voilà. Et alors qu'ils vivent tous les deux. Elle, dans son bar, elle peut pas quitter son bar qui est sur la place Colbert parce qu'elle est ouverte toute la journée. Et puis lui, il est dans son magasin, mais ils ne savent pas qu'ils sont ensemble à Rochefort. Et ils ont eu les jumelles 25 ans auparavant. Ils ont eu les jumelles et finalement... parce que en fait, ce qui s'est passé, c'était un peu rigolo. La dame qui était amoureuse de Michel Piccoli, donc la maman des jumelles, a refusé de se marier avec Piccoli parce qu'il s'appelait Monsieur Dame. Parce qu'elle se serait fait appeler Madame Dame. Donc elle a refusé de l'épouser et finalement vers la fin elle s'en veut, elle était vraiment amoureuse de cet homme-là, elle s'en est voulu de ne pas l'avoir épousé et finalement ça va bien s'arranger. Et alors ce qu'il faut vraiment préciser dans le film, c'est que tu évoquais hors antenne, Secondino, tout à l'heure que tu étais allé à Rochefort voir ce fameux bateau il y a quelques années, et on parlait, Michel Legrand, Jacques Demy, recherchait des villes plutôt pour ses films qui se trouvaient au bord de l'eau, hein, comme Cherbourg. Bon, alors Rochefort, il y a l'embouchure, mais c'est pas loin de Royan, c'est tout près de l'Atlantique, et de Nantes, dont lui, il était originaire. Et c'est vrai qu'il cherchait des villes assez strictes, des villes assez militaires. Alors, il avait pensé à Hyères aussi, les demoiselles d'Hyères, mais ça n'a pas fait. La Roche-sur-Yon aussi, mais c'est pas... Et il a été séduit par Rochefort parce que c'était effectivement pas loin de chez lui, et puis c'était une ville, voilà. Et là, il a fait repeindre tous les volets de la ville pour donner des couleurs pastel. Oui. Parce que c'est une ville austère, c'est une ville quadrillée, en fait. C'est une ville quadrillée, c'est une ville de garnison militaire. Donc avec une architecture assez austère, qui est toujours d'ailleurs comme ça. Et il avait fait repeindre dans ses couleurs assez pastel, rose, jaune, à l'effigie des deux jumelles et de leur tenue courrège, les robes courrèges. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire, finalement, c'est une fête foraine, enfin c'est une fête plutôt qui vient le week-end s'installer sur la place, avec des animations, des confettis, enfin voilà. Jean-Baptiste, c'est resté les volets peints et tout ça? Non, ça fait 50 ans, non. Évidemment que non, hein, non, bien sûr. D'accord. La ville a évolué. Mais il y avait aussi la présence notoire de Georges Chakiris, qui jouait dans le West Side Story quelques années auparavant, qui joue un des danseurs et un des futurs compagnons, de scène en tout cas, dans le film. Et je ne sais plus comment il s'appelait l'autre acteur, qui était un acteur américain. Il y avait un mélange d'acteurs américains et d'acteurs français. Hein. Et alors, pour la petite anecdote triste de ce film-là, qui a peut-être aussi contribué étrangement à la notoriété du film, c'est que le film a été tourné à l'été 66. Agnès Varda, qui était donc l'épouse de Jacques Demy, avait fait le film du film, c'est-à-dire elle avait tourné les scènes du film, enfin en tout cas le tournage du film, voilà, et il y avait un film qu'elle a sorti. Elle, en 92, qui s'appelait « Les demoiselles ont eu 25 ans », où Catherine Deneuve était l'invitée d'honneur, sans Françoise d'Orléac, puisque quand le film est sorti en mars 67, Françoise d'Orléac s'est bêtement tuée en voiture en juin 67 de la même année. Et donc, ça a fait un cataclysme, évidemment, parce que Françoise d'Orléac était très connue déjà en tant qu'actrice, bien avant sa sœur. Elle avait déjà tourné des films internationaux. Elle avait entre autres fait L'Homme de Rio en 63 avec Belmondo. Elle a fait une vingtaine de films dans sa carrière. Elle avait vraiment la volonté d'être actrice, à la différence de Deneuve, qui l'a suivie pour faire une figuration de sa sœur dans Les Portes-Claques. Et c'est comme ça que Deneuve est rentré par effraction un peu dans le monde du cinéma, quoi. Voilà. Et bon, ça, c'est la légende, mais on parlait des psychanalystes et des psychologues. En tout cas, les sociologues, certains disent que peut-être que Deneuve est devenue la number one parce qu'elle a travaillé pour deux. Parce qu'elle c'était sa sœur, finalement, qui voulait être la première, quand on voit les interviews. Mais ce qui est marrant, pour en revenir à Michel Legrand, c'est que dans une scène des Demoiselles de Rochefort, elle le cite dans leur chanson. quand elle cherche des thèmes de, pour faire le spectacle et remplacer au pied levé les deux copines des deux danseurs qui les ont plaquées, donc ils n'ont plus rien pour faire leur, leur spectacle sur cette fête qui a lieu tout le week-end, c'est elles qui vont les remplacer, donc eux les sollicitent, puis ils en tombent amoureuses. Et dans ces thèmes qui sont choisis, ils évoquent Michel Legrand, justement, voilà. Voilà, et puis bon, bah, l'été 42 aussi, d'autres films magnifiques aussi, avec des musiques un peu dans le style des Moulins de mon cœur. Hein, voilà, donc c'est vraiment un grand musicien. Non, mais c'est très. Informations c'est très. C'est très riche. Très, très stylisé, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais. Mais ils, leur collaboration, en fait, ils ne s'entendaient pas les deux au début. Demi n'avait pas le temps à accorder, il était très occupé, tout ça. Et Legrand a vraiment, vraiment insisté. Et c'est là que. Autant pour moi. C'est Legrand qui n'avait pas le temps. Et Demi voulait à tout prix, il avait entendu sa musique et il savait pertinemment que ça collerait au scénario et à son univers cinématographique. Oui, il avait déjà vu son film. Et ça a été évident. Ça a été une évidence. Ouais. Ça a été une évidence. Mais c'est vrai que c'est un film dont on se lasse pas. Je l'ai vu trois fois. C'est tellement gai qu'on y va, quoi. Et alors, il y a des rushs qui existent aussi en noir et blanc qu'on peut trouver peut-être sur YouTube où on voit les Demi qui travaille avec Legrand sur les thèmes musicaux. Et alors, par exemple, sur la chanson des jumelles, c'est pas la musique qui a été ensuite choisie vraiment. Ils le font sur le thème de Maxence, par exemple, et ils chantent les deux Nous sommes des sœurs jumelles, mais sur le thème de Maxence et non pas sur le thème qu'ils ont retenu ensuite pour essayer voir ce qui va le mieux. Et ça, c'est vraiment très intéressant de regarder ces archives, d'autant plus maintenant qu'il est plus là, voilà. Et puis on a une pensée évidemment pour sa famille et puis pour Macha Meryl qui a été sa dernière épouse, grande comédienne, grande actrice et écrivain aussi à 16 heures, d'origine russe, je crois, tu me préciseras, Dominique, voilà, et qui va, je pense, maintenant dans les quelques années qui vont suivre, en tout cas, faire perdurer la mémoire musicale de son défunt mari, quoi. Voilà. Ben, il est temps pour nous, on n'aura peut-être pas le temps de faire la programmation cinématographique, donc peut-être 2-3 films, allez, il nous reste 3 minutes, on va se les octroyer, on va rester dans le cinéma, peut-être nous donner les principaux films qui sortent en salle, Félicie. Pupille, Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. Elle a 2 mois pour revenir sur sa décision. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service à l'adoption se mettent en mouvement. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? C'est une comédie. Minuscule 2, c'est un film d'animation pour les enfants. Border, c'est un drame fantastique. Dragons 3, c'est un film d'animation. En liberté, comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Hanel et Pio Mamai. Ça a l'air pas mal, ça, en fait. Life, biopic, drame de Antonin Coblin. Alors, c'est un jeune photographe qui cherche à se faire un nom, croise un acteur débutant et décide de lui consacrer un reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le photographe Denis Stock et immortalisa la future star James Dean. Ouais. Donc ça peut être sympa, ça. Autre grand acteur qui est mort en voiture, bêtement. Bah, bien sûr, ouais. Nicky Larson, comédie avec Philippe Lachaud. Alita, c'est un film de science-fiction. Ça peut être pas mal, ça aussi. Elle se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu'elle ne reconnaît pas. Elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ça peut être pas mal, ça. Aussi. Un peu film d'anticipation, science-fiction. Ouais. Donc il y a Pupille, Les Frères Sisters, c'est un western de Jacques Audiard. Tiens, c'est pas courant, western, c'est plus trop à la mode. Ouais. Sortie de western. Si, il y a des westerns modernes. Ah bon ? Ah ouais ? Moderne, alors c'est. Un truc de genre. Ah ouais, bon, c'est pas encore énorme, par an. Par rapport à ce qu'il y a eu comme production il y a 30-40 ans. Ils sont bien faits, les nouveaux westerns. Mais je parle pas des spaghettis. Non. Moi, je parlais des vrais westerns. Parce que c'est sous différentes nationalités, généralement. Ah, La fiancée du désert avec Natalie Wood et John Wayne. J'adore ce film-là. Tu connais ce film-là ? Non. Moi, il y a un acteur que devant je craque, c'est un blond, je sais pas comment il s'appelle, je sais jamais son nom. Terence Hill. Ouais. Et le dernier film. Et le dernier, voilà, pour conclure. Voilà, Le Grand Bain, que Dominique a vu et qui nous le recommande. Ah bon, il repasse en ce moment. Oui, il repasse, donc c'est le moment d'aller le voir. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site du Cinéma Le France, à Remiremont. www.cinemaLeFrance.fr. Bien devant ton micro. Voilà. www.majesticcinema.com. Voilà. Eh bien, c'est le mot de la fin. Cinéma de France, premier monde. Ouais, c'est le mot de la fin. Ben, en vous remerciant, en tout cas, autour de cette table, Dominique, Félicie, Segundino, Pascal, d'avoir participé à ce boomerang. Et eh bien, on se retrouve dans 15 jours, même lieu, même heure. Vous pourrez réécouter cette émission sur Radio Gemozo à partir de mardi matin 9h et en rediffusion pendant 15 jours sur le site de la radio dans la rubrique émission rediffusion dans 90 minutes pour Boomerang. Voilà. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Bisous à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.